petit de ta descendance. L'innocence traduit par les cris, les pleurs que j'ai émis en sortant de ton ventre. L'inconscient qui ne m'a pas permis de voir que je manquais d'amour dès mes premières lueurs du jour. J'ouvrais les yeux à bout de souffle. L'idée d'avoir une vie t'a effleuré. Désolé si je n'ai pas accompli ton souhait. Pour ça tu m'as détesté. J'avais rien demandé. De mes mots. Non. Pour toi, je serai pas de cadeau. T'as su me traiter de vagabond, délinquant du ghetto. Rappelle-toi de tes mots. Enfant de Satan, pourtant j'étais juste qu'un enfant sans défense. Rappelle-toi que les cours ont dépassé les mots. Toujours garder la tête sur les épaules. Listen to my cry, it's not a lie. You hurt me. Suffer all my life because of you. It's not my dream. Listen to my dream. La conséquence de tes actes ont faussé l'image que j'avais de la femme. Que j'avais de la femme.